الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ويقول تعالى وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم Faire Allah, serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en étant musulman, et accrochez-vous tous, cramponnez-vous tous au câble d'Allah, et ne vous divisez pas. Et souvenez-vous, lorsque vous étiez ennemis, hein, souvenez-vous de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous, lorsque vous étiez ennemis, et il a réuni vos cœurs, et vous êtes devenus, par sa grâce, des frères. Et vous étiez au bord d'un gouffre de feu, et il vous en a sauvés. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans un autre verset, et il a réuni entre leurs cœurs. Et si tu aurais donné tout ce qui est sur terre comme richesse pour unir leurs cœurs, tu n'aurais pas pu unir leurs cœurs. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a uni leur cœur. Et donc on voit dans ce verset l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants de rester unis et de s'unir sur le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le câble d'Allah, c'est la vérité. Le câble d'Allah, c'est le Coran. Le câble d'Allah, c'est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est en s'accrochant à ceci que nos pieux prédécesseurs, as-salafus salih, se sont réunis et sont restés unis sur la vérité. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a réuni entre nos cœurs, eh bien, par quoi a-t-il réuni entre nos cœurs? Par quoi a-t-il fait que nous sommes devenus des croyants et que nous sommes devenus des frères? Eh bien, c'est par la foi. C'est par la foi, hein, le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est par la aqidah de l'islam, qu'il a réunis entre nos cœurs et non pas par d'autres choses. Et donc, nous sommes tous musulmans et aujourd'hui, nous disons tous que nous sommes musulmans. Mais, en réalité, on constate et on réalise que certains d'entre les musulmans, certains d'entre nous, avons différentes sortes de croyances, différents principes. Et donc, à cause de cette raison, on retrouve parmi nous des divisions. Puisque si nous étions tous sur la même aqida, et sur le tawhid, et sur la sunna, et sur le même manhaj, et sur la même façon de comprendre les textes, il n'y aurait pas de division entre nous, et nous serions tous unis. Et donc, lorsqu'on dit qu'on est musulman, le problème, c'est qu'on a oublié ce que signifie d'être musulman. Et lorsqu'on dit qu'on est sur la religion de l'islam, le problème, c'est que chacun a sa propre compréhension et sa propre définition de ce qu'est l'islam. Et donc, on comprend ici que c'est pas seulement le problème de se nommer musulman ou de se dire musulman, mais de comprendre ce que signifie d'être musulman et de comprendre ce que signifie l'islam dans sa réalité et dans ses fondements. Et donc, on comprend par le verset qu'on a lu que la division en islam est haram, que c'est un péché de se diviser en islam, que c'est un péché en islam de devenir des groupes, de devenir des sectes. Mais certains ont l'idée ou ont la pensée que qu'est-ce qui cause les divisions parmi les musulmans? Ce sont les noms qui distinguent les groupes entre eux et que cela s'arrête à cela. C'est-à-dire que ça s'arrête uniquement à une question de nom. Et les gens ne prennent pas attention ou ne font pas attention aux définitions et aux réalités qui sont derrière ces noms. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la division entre les musulmans comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit dans le Coran et dans la Sunna. Mais il nous a averti qu'il y allait avoir des divisions dans la Ummah, qu'il y allait avoir des groupes, qu'il y allait avoir des sectes. Il a dit par exemple dans un hadith qui est authentique, « Iftaraqa al-Yahoud ala 71 firqa, waftaraqat al-Nasara ala 72 firqa, wa sataftariqu hadhihi al-Ummah ala 73 firqa. » كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي الجماعة وفي رواية أخرى هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي c'est-à-dire dans une narration il a dit cette umma va se diviser en 73 sectes. Après que les juifs se sont divisés en 71, que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, il a dit ma umma va se diviser en 73 sectes, encore plus que les nations précédentes. Et il a dit elles seront toutes en enfer, toutes ces sectes seront en enfer excepté une. Et quand les sahaba ont demandé laquelle au messager d'Allah ne sera pas en enfer, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié et il a expliqué. Et il a dit, elles seront toutes en enfer excepté une, c'est la jama'a, c'est-à-dire ceux qui sont unis et qui restent unis. Et dans une autre narration, c'est ceux qui suivent ce que je suis moi-même aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc si tu veux faire partie du groupe qui ne va pas en enfer parmi les 73, eh bien, tu n'as qu'à suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à suivre l'exemple des sahaba, et tu seras parmi le groupe qui sera au paradis. Bien entendu, ce hadith fait partie des hadiths de la menace. Et si on dit que les 72 sectes qui sont parmi les sectes de l'enfer sont dans l'enfer, ça ne veut pas dire qu'elles sont nécessairement des sectes qui sont mécréantes ou qui sont sorties de l'islam. Mais ça veut dire que ce sont des sectes qui ont des égarements. Et que même si elles entrent en enfer, ça ne veut pas dire qu'elles vont y rester pour toujours ou pour l'éternité. Mais qu'elles peuvent y rentrer pour un certain temps, puis que si elle n'a pas commis de shirk majeur ou de kufr majeur, elle en sortira lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'aura décidé. Mais c'est pour dire qu'ils sont sous la menace du châtiment d'Allah. Et dans le hadith qui est rapporté, selon Al-Irbad ibn Sariya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Man ra'a min, man ya'ish minkum, fasayra ikhtilafan kathira, fa'alaykum bi sunnati, wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdin min ba'di, tamassaku biha, وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith de Irbad ibn Sariyah, que celui qui allait vivre après moi allait voir beaucoup de divergences, beaucoup de divisions. Ça y aura ikhtilaf, ikhtilaf, ça veut dire la division, la divergence. Il y en aura beaucoup. Kathira, ça y aura ikhtilaf, kathira. Hein? Il y aura beaucoup de divergences. Donc le professeur Anselm nous avertit qu'il va y avoir de la divergence, qu'il va y avoir de la division. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir le remède de cette division. Quel est le remède? Le professeur Anselm a dit, alors, celui qui vivra verra beaucoup de divergences, verra beaucoup de divisions. Alors, accrochez-vous à ma sunna, cramponnez-vous à ma sunna, mordez à ma sunna même avec vos dents, avec vos molaires. Et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, c'est-à-dire l'exemple des sahaba, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali radiallahu anhum. Et donc on voit l'exemple qu'il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et suivre les sahaba, et suivre leur sunna. C'est la voie pour rester unis. Et c'est la voie, quand il y a des divisions, c'est ça ce qu'on doit faire pour qu'on puisse rester unis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre le droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, voici mon droit chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront de son chemin. Et avec la mention de ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé une ligne droite sur le sol. Et à la gauche et à la droite de ce trait, il a fait plein de petits traits et il a dit, voici la ligne droite, c'est le chemin d'Allah. Et les petits traits qui sont à gauche et à droite, ce sont les chemins de l'égarement. À la tête de chacun d'entre ces petits traits, il y a un diable qui invite les gens à le suivre. C'est pour dire que la vérité est une seule vérité et que les chemins de l'égarement sont multiples et sont nombreux. Et ce hadith est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud. Et donc on voit beaucoup d'exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous mentionne qu'il y a des divisions. Et il nous ordonne de suivre sa voie et la voie des successeurs bien guidés après lui. Et on voit que ceux qui suivent cette voie, à travers l'histoire, ils ont adopté des noms. Des noms pour se distinguer de ceux qui ont dévié de la voie, de ceux qui ont dévié de la sunna. Et c'est pour ça qu'ils se sont nommés par différentes appellations, comme Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens de la sunna et de la Jama'a, c'est-à-dire les gens qui s'accrochent à la sunna et qui restent unis, qui sont sur la Jama'a. Contrairement à ceux qui sont sur la bid'a, la déviation, et qui sont sur la division, et qui divisent la Ummah. Dans une autre appellation, ils se sont appelés Ahlul Hadith, c'est-à-dire les gens du Hadith. Ils se sont appelés Ahlul Hadith par opposition aux ceux qu'on appelle Ahlul Ra'i, les gens qui se basent sur la raison ou sur la logique. La logique d'Aristote ou de Platon, au lieu de retourner au texte et de comprendre le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf salih, ils ont pris le Coran et la Sunna de côté et la compréhension des salaf de côté et ils ont dit, nous on va se baser juste sur notre aql, sur notre logique, sur notre opinion. Et ils interprètent les textes du Coran et de la Sunna selon leurs opinions ou l'opinion de leur fondateur ou de leur secte. Et donc il y a plusieurs appellations comme ça, Al-Firqatul Najia, par rapport au hadith des 73 sectes, At-Ta'ifatul Mansoura, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit dans un hadith qui est authentique, il y aura toujours un groupe de ma umma qui est sur la vérité et qui est victorieux. Ceux qui s'opposent à eux ou ceux qui les abandonnent ne pourront leur faire aucun tort. Nous pourrons leur faire aucun tort jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils seront encore sur ceci, sur cette vérité. Donc les noms ont une importance. Il ne faut pas penser que les noms n'ont pas d'importance. Mais qu'est-ce qui est plus important encore que les noms? C'est de connaître les significations qui sont derrière ces noms. Les significations et les sens qui sont derrière ces appellations. Donc il y a certains parmi les musulmans aujourd'hui qui disent, regardez les koufars, Ils s'unissent entre eux malgré leurs différences. Ils disent, regardez les Juifs, regardez les chrétiens, ils ont mis de côté leurs divergences et ils s'unissent entre eux. Regardez les protestants, les orthodoxes, les catholiques, les différentes sectes chrétiennes. Ils font des rassemblements et ils font des unifications entre eux. La même chose chez les Juifs, la même chose chez les athées et les autres. Ils s'unissent entre eux. Alors que nous, les musulmans, nous nous divisons en salafi et khalafi, ou soufi, ou shi'i, ou khariji, ou ikhwani, ou tablighi, ou ash'ari, ou tijani, ou muridi, ou naqshbandi, ou butchishi. Hein? Toutes ces différentes turuq que les gens suivent aujourd'hui. Et donc, ils disent après wahhabi, et madkhali, et jami. Et ils prennent tous ces noms et ils les mettent à égalité et ils disent tout ça c'est la même chose. Hein? Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali. Hein? Ils prennent tous ces noms et pour eux on dirait que dans leur tête ces noms-là c'est des synonymes. Et après qu'est-ce qu'ils disent? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, huwa sammakum al-muslimin min qabl. Il vous a nommé musulmans auparavant. Donc laissez de côté tous ces noms et toutes ces appellations, et appelez-vous uniquement musulmans, et dites seulement muslim, muslimoun, et ça y est, comme par magie, toutes vos divisions vont disparaître. Et ça, bien entendu, c'est totalement faux. Et c'est de l'illusion de penser qu'en laissant de côté les appellations, sans changer les significations, que cela va changer quelque chose dans notre division, ou que cela va unir les musulmans. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas suffisant de dire qu'il faut laisser de côté les appellations ou les noms. Bien au contraire, il faut comprendre ces appellations, d'où est-ce qu'elles viennent, qu'est-ce qu'elles signifient, qu'est-ce qu'elles représentent, et ensuite, en se basant sur le Coran et sur la Sunna, il faut distinguer entre ce qui est vrai dans ces appellations et ce qui est faux dans ces appellations, et ensuite on peut connaître la vérité. Et qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Et savoir quelle appellation est acceptable et quelle appellation est à rejeter. Mais si on prend tous ces noms, on les met dans un paquet, et après on présente ça aux musulmans de cette façon, sans expliquer, sans clarifier, et après on leur dit, laissez tomber ces noms et faites juste dire musulmans, sans réfuter le faux, sans clarifier la vérité, ça ne règle pas le problème. Et ça ne change rien. Hein? Et c'est pour ça que beaucoup d'entre ceux qui disent ce genre de paroles, la plupart d'entre eux sont des ignorants de la réalité de l'islam et de la réalité de la aqida de l'islam. Et la plupart d'entre eux font partie de différentes sectes sans même le savoir. Ils font partie des sectes soufis ou bien des sectes de Ash'ara ou bien d'autres sectes parmi les sectes comme les Ikhwan ou d'autres tendances. Et donc c'est pour cette raison qu'ils proposent ce genre de choses. Parce qu'ils n'ont pas de compréhension. Et donc on répond à ces gens-là en disant, premièrement, les Juifs et les chrétiens s'unissent, mais ils s'unissent uniquement en apparence. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. »« Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. » C'est-à-dire, tu les crois unis alors que leurs cœurs sont divisés entre eux. Donc c'est pas vrai qu'ils sont unis, même s'ils font des alliances, même s'ils font des rassemblements, même s'ils disent « oui, on va oublier nos différences », la réalité c'est que leurs différences sont toujours là, toujours existantes. Et donc c'est pas suffisant de juste dire « on va s'unir comme ça » sans comprendre les bases et sans corriger l'erreur et revenir à la vérité. Et deuxièmement, pour répondre à ces gens-là, il faut leur faire comprendre que ce qu'ils disent, c'est comme s'ils étaient en train de dire « il ne faut pas dire juif ou chrétien ou musulman ou athée ». Il faut mettre tout le monde dans le même paquet, dire on est tous croyants. Tous les êtres humains, on est croyants. Peu importe en quoi tu crois, peut-être que tu crois en la vérité, peut-être que tu crois en qu'est-ce qui est faux, mais tu es un croyant quand même. Et si tu vas dire ça, si le but c'était juste de nous unir, sans s'unir sur la vérité, eh bien dans ce cas-là, on va dire ça. On ne va pas dire chrétien ou juif ou musulman, on va dire croyant. Et ça, bien entendu, c'est faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, à propos des Juifs, « Yu'minuna bil jibti wa tarut. » Ils croient en la magie, et en le shaitan, et en la sorcellerie. Hein? Et il dit, « Wallazina amanu bil batili wa kafaru billah, ulaika humul khasirun. » Ceux qui ont cru en la fausseté, et qui ont rejeté la foi en Allah, ceux-là sont les perdants. Donc d'être croyant, c'est pas suffisant. Il faut être croyant en la vérité. Si tu es croyant en ce qui est faux, tu n'es pas croyant, même si tu dis que tu crois en quelque chose. Donc il y a des bouddhistes qui croient en Bouddha. Il y a des athées qui croient en la matière ou en rien. Hein? Mais cette foi ne leur servira à rien au jugement dernier. Il ne va pas les sauver au jour de la résurrection. Et troisièmement, il faut comprendre que les noms ont des significations. Et donc, lorsqu'on mentionne un nom, ou le nom d'un groupe, ou le nom d'une secte, il faut expliquer la signification et la réalité qui est derrière ce nom. Et non pas seulement mentionner le nom tout seul, sinon ça crée de la confusion. Et lorsque les gens sont dans la confusion, ils ignorent les noms, et ils ignorent la signification qui existe derrière ces noms. Mais les gens en général sont paresseux. Ils ne veulent pas chercher la vérité, ne veulent pas se casser la tête à comprendre la différence qui existe entre un tel et un tel, entre telle secte et l'autre. Ils veulent qu'on leur donne tout sur un plateau et qu'on leur dise oui, tout est correct et tout va bien. Alors que la réalité, c'est autre chose. Et on est obligé, hein, de chercher la vérité. Et si on enlève les noms sans enlever les sens ou corriger les erreurs, et sans distinguer entre le vrai et le faux, le reste, la réalité reste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé et il nous a mis sur terre pour nous éprouver. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. Nous avons fait les uns pour les autres d'entre vous une fitna. Nous avons fait des uns une épreuve pour les autres. Nous avons fait des uns une épreuve pour les autres. Donc, c'est un test, c'est une épreuve qu'il y ait des divergences. C'est Allah qui a voulu qu'il y ait des divisions, c'est Allah qui a voulu qu'il y ait des divergences, mais en même temps, c'est pour nous éprouver. Qui d'entre nous va chercher la vérité? Et qui d'entre nous va s'asseoir et va dire, moi je ne sais pas où est la vérité, alors ça y est, je ne sais pas quoi suivre et je reste dans l'égarement. C'est ça l'erreur. Donc il faut comprendre pourquoi on a été créé et pourquoi Allah nous a créé, et c'est pour nous éprouver et pour nous mettre à l'épreuve et pour distinguer entre la vérité et le faux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ويقول تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne soyez pas parmi les mushrikin, parmi ceux qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et qui adorent d'autres avec Allah. Ne soyez pas parmi les mushrikin, parmi ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, chaque groupe d'entre eux se réjouissant de ce qu'ils possèdent. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous interdit de nous diviser dans la religion et nous interdit de nous diviser dans la croyance et dans les fondements de notre religion. Et il dit que ça c'est la tendance des mushrikin. C'est les mushrikun qui se divisent dans leur religion. Et Allah nous interdit à nous les musulmans de faire de même. Parce que nous sommes sur le tawhid, la foi en Allah unique. Et nous n'adorons que Allah seul et nous suivons que le Coran et que la sunna. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes tous obligés et ordonnés d'avoir les mêmes bases dans la religion, d'avoir les mêmes fondements dans la religion, d'avoir la même aqida dans la religion, d'avoir la même compréhension des textes et la même manière et méthodologie pour comprendre ces textes. On n'a pas le droit dans cette umma d'avoir deux musulmans qui sont divergents dans ces fondements-là et dans ces bases-là et dans ces principes-là et dans ces façons de comprendre. Et donc, on est tous unis, on doit tous être unis sur la vérité. Et même si vous voyez différents noms qui existent, Par exemple, on a mentionné les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les hindous, les athées, et toutes les différents noms qu'on a mentionnés. Malgré tous les noms, malgré toutes les différentes religions de fausseté, les ulama ont expliqué, ils disent « Al-kufru millatun wahida »« Al-shirku millatun wahida » Il n'y a que deux religions en réalité. La religion de la vérité et la religion du mensonge. Sauf que la vérité, elle a une seule face, une seule vérité, une seule voie. Mais le mensonge est multiple. Il se transforme, il se métamorphose, il prend plein d'images, il se manifeste de différentes façons. Et c'est pour ça que les gens disent, quand ils voient les religions, ils disent, mais il y a trop de religions, comment on peut savoir laquelle est vraie et laquelle est fausse? La réalité, c'est qu'il n'y a que deux religions. Il y a la religion d'Allah, qui est la religion de la vérité, la religion du tawhid, la religion des prophètes, la religion des messagers, la religion des livres qu'Allah a révélés. Ça, c'est la vérité, c'est la religion du haqq. C'est la seule vraie religion qu'Allah accepte. Inna ad-dina 'indallahi al-islam. La religion pour Allah, c'est l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Celui qui cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et au jour de la résurrection, il sera parmi les perdants. Et la religion de la fausseté, eh bien là, il y en a une infinité. Il y en a une infinité parce que c'est le mensonge. Lorsque tu dis un mensonge, tu peux changer le mensonge à chaque jour. Tu racontes quelque chose aujourd'hui, demain tu dis quelque chose d'autre. Parce que c'est un mensonge, ce n'est pas la vérité. Mais lorsque tu dis la vérité, tu dis toujours la même chose, peu importe. Al-kufr millatun wahida. Donc quand est-ce qu'on dit à propos d'un groupe musulman qu'ils sont devenus une secte? Quand est-ce qu'on dit à propos d'un individu musulman qu'il est devenu sectaire? C'est quoi la caractéristique? C'est quoi le critère qui distingue entre celui qui est sur la sunna et qui est sur la voie des salafs? Et qui est sur le vrai islam et celui qui a dévié de cette voie. Le point qui distingue entre les deux, c'est lorsque cet individu ou ce groupe contredit le Coran dans un de ses textes et la sunna dans un de ses textes, c'est-à-dire la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien invente ou innove des principes et des choses qui ne font pas partie de l'islam, ou quand ils contredisent l'islam dans un de ses fondements et un de ses principes, ou la sunna, ils contredisent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses fondements et dans un de ses principes, et ils ajoutent ou ils enlèvent des choses à cette religion et qu'ils suivent cela. Alors à ce moment, s'ils s'unissent là-dessus et qu'ils aiment et qu'ils détestent basé sur cette chose, alors ça devient une secte à ce moment-là. Et si on retourne en arrière et qu'on regarde de façon chronologique comment le développement historique de l'islam s'est passé par rapport à la croyance, ça nous aide à comprendre la distinction entre ces différents noms, entre ces différentes sectes, comment elles sont apparues et pourquoi elles sont apparues et comment elles ont dévié et qu'est-ce qui les distingue les unes des autres et qu'est-ce qui fait que, yani, il faut suivre la vérité et la sunna. Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, il n'y avait qu'un seul islam. Et les sahaba, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, ils étaient tous unis sur une seule et unique croyance. Il n'y a pas deux sahabis qui étaient en divergence avec un autre sur la croyance et sur les fondements de l'islam. Même s'ils avaient des divergences dans les questions de fiqh ou dans les questions d'ijtihad, ça c'est vrai, il y a eu des divergences dans ces choses-là. Mais dans les fondements de la aqida, dans les fondements de la méthodologie, dans la façon de comprendre les textes et la méthodologie de comprendre les textes, il n'y a jamais eu aucune divergence entre les sahaba à ce sujet-là. Et toutes les sectes qui sont apparues après, les sahaba ont été innocents. Et ils n'ont jamais fait partie d'aucune de ces sectes. Et la première qui est apparue, c'est la secte des Khawarij. Et pour prouver justement que les sahaba n'ont rien à voir avec cette secte, c'est que les premiers à les combattre ont été les sahaba. Ali radiallahu anhu, lorsque cette secte est apparue, il les a combattus. Et ils les ont appelés Al-Haruriyya à l'époque. Et ça, c'est la secte des Khawarij qui déclare kuffar tout musulman qui commet un péché. Tout musulman qui commet un péché, pour eux, est un mécréant, est un kafir qui est sorti de l'islam. Donc s'ils voient un musulman, qu'il soit un dirigeant ou un individu du commun parmi les musulmans, ils le voient en train de commettre un péché, en public, ils disent, lui, c'est un mécréant. Et si c'est un dirigeant, ils vont justifier la révolte contre lui ou la rébellion contre lui. Ça, c'est la voie des Khawarij. Et les Sahaba ont mis en garde contre eux. Et ils ont combattu ces gens-là. Ensuite, il y a eu la secte. Et en passant, cette secte des Khawarij, elle existe aujourd'hui encore. Et plusieurs groupes ont les mêmes caractéristiques que les Khawarij encore aujourd'hui. Et certains groupes contemporains ont même, parmi les éléments de leur croyance, les éléments de la croyance des Khawarij encore aujourd'hui, comme ceux qui font les attentats terroristes ou qui justifient les rébellions et les coups d'État et les manifestations contre les dirigeants injustes dans les pays musulmans, ou qui justifient les attentats qui sont faits contre les non-musulmans dans les pays des Kuffars et qui disent que ça fait partie du djihad, comme Al-Qaïda, ou bien les différentes tendances ou les différents groupes qui font partie des frères musulmans, Al-Ikhwan al-Muslimoun, ou bien d'autres tendances comme Hizb al-Tahrir et des gens de secte de ces tendances-là qui ont été inspirés à la base par les Khawarij. Et comme certains auteurs contemporains comme Sayyid Qutb, Muhammad Qutb et d'autres également, Bin Laden et Al-Zawahiri et toutes ces tendances de takfir viennent à la base de la croyance des Khawarij. Et ils sont inspirés par les Khawarij. La même chose avec la secte des Shia, Al-Rafida, qui ont commencé par insulter les Sahaba, Abu Bakr, Omar, Ali, et Uthman et Ali, radiyallahu anhum ajma'in. Et après qui ont déclaré kuffar le reste des Sahaba, et qui les insultent, et qui les maudissent, et qui considèrent que ça fait partie de la religion d'Allah de les insulter. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. » Si l'un d'entre vous donnait en aumône la quantité d'or équivalent à la montagne de Uhud, eh bien ça n'aurait même pas la valeur de ce qu'un sahabi a donné, une poignée de main, hein, une poignée de main de quantité de ce qu'un sahabi a donné. C'est plus que la montagne de Uhud que nous on aurait donné en or. Donc on ne peut pas se comparer aux sahaba. Et celui qui insulte les sahaba, eh bien il n'est pas parmi les musulmans. Et donc, ces gens-là, les Shia al-Rafida, qui insultent les Sahaba, ne font pas partie de cette Ummah. De même qu'ils adorent Ali radiallahu anhu, et qu'ils adorent ses descendants, et ils les considèrent des imams infaillibles, et ils font des mosquées sur leurs tombes, et ils vont dans ces pays où ils sont enterrés pour faire des pèlerinages là-bas, et pour adorer leurs tombes, et leur demander en dehors d'Allah. Et ça, c'est du shirk. Celui qui adore un homme, qui demande à un homme qui est mort dans sa tombe, de l'exaucer quand il fait des doigts, au lieu de demander à Allah le créateur des cieux et de la terre, celui-là il a commis l'association avec Allah, il a fait le shirk. Et donc c'est pour ça que les Rafida, Shia Rafida sont pas, ne font pas partie de cette Ummah. La même chose avec les Qadariya, ceux qui ont nié la prédestination et qui ont dit il n'y a pas de prédestination. Cette secte aussi c'est une des sectes qui est apparue à l'époque et les Sahaba les ont réfuté. La secte des Jahmiya qui a été créé par Jahm ibn Safwan et Ja'd ibn Dirham. Lorsqu'elle est apparue, ils ont nié les noms et les attributs d'Allah dans le Coran. Ils ont dit, tout ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna à propos d'Allah et de ses attributs, ce n'est pas vrai. Ils ont dit, tout ça c'est des choses symboliques et allégoriques. Il ne faut pas y croire. Il ne faut pas croire, selon eux, il ne faut pas croire que Allah il est miséricordieux, ou que Allah est en colère, ou que Allah est satisfait, ou que Allah est au-dessus de son trône, ou que Allah subhanahu wa ta'ala a une main. Comme il a dit qu'il a créé Adam avec ses mains, ou des choses de ce genre. Et donc ils disent, il ne faut pas dire ces choses-là à propos d'Allah, ils nient ce qui est dans le Coran. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقَالَتِ الْيَهُودِ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُوْعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُوا كَيْفَ يَشَاءُ. Les juifs ont dit, la main d'Allah elle est fermée. Que Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, leur main a été fermée et ils ont été maudits pour ce qu'ils ont dit. Au contraire, ses mains sont grandes ouvertes et il donne de ses richesses à qui il veut. Et donc, on affirme ce que Allah s'est affirmé pour lui-même, sans faire de ressemblance avec les attributs de la création, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc on rejette la voie des Jahmiyyah qui nient les attributs d'Allah et ceux qui découlent de cette voie comme les Asha'ira et les Maturidiyah. C'est la même chose. Hein? Ils ont des tendances semblables. La même chose avec les Mu'tazila qui ont nié le Qadar, qui nient les noms d'Allah, qui nient les attributs d'Allah, hein, et qui se appelle à la rébellion et à la révolte contre un dirigeant lorsqu'il commet des injustices. Et également, par exemple, la voix des soufis, les sectes qu'on appelle as-soufis. Et as-soufis ou at-tasawwuf, il existe en différentes voies et en différentes sectes aujourd'hui. À l'époque, lorsque c'est apparu, pas à l'époque des Sahaba, parce que ça n'existait pas, le terme soufi n'existait pas à l'époque des Sahaba, le terme soufi est venu bien après. Et c'est un terme qui signifie, qui vient de as-souf, c'est-à-dire la laine. Et au début, lorsque c'est apparu, c'était pour montrer des gens qui aiment l'adoration, qui aiment la piété, qui n'aiment pas s'attacher à la dunya, hein, qui préfèrent s'accrocher à l'adoration. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est que ce groupe-là a dégénéré et s'est éloigné de l'enseignement et de l'étude de l'islam. Et beaucoup de déviations et de fausses croyances se sont introduites à l'intérieur de ce mouvement et de cette tendance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on les trouve à défendre et à justifier l'adoration des tombes, la vénération des saints. Le fait par exemple de faire des danses et des chants et d'utiliser des instruments de musique et des tambours pour faire le dhikr, et ils prétendent que ça c'est en accord avec l'islam. Ils font des danses et des chants et des mouvements lorsqu'ils font leur dhikr. Parfois ils vont même se limiter à faire le dhikr en disant ho ho ho ho ho ho ho une centaine de fois ou un millier de fois, et ils se mettent tous en groupe en train de danser et chanter dans les mosquées. Est-ce que ça fait partie de l'islam? Est-ce qu'il y a des preuves de ça dans le Coran et dans la sunna? Nulle part. Donc que ce soit les turuq, hein, ils sont divisés en différentes turuq, en différentes voies. Naqshbandiya, Shaviliya, Saharwardiya, Rifa'iya, Mouridiya, Tijaniya, Butchishiya. Yani, et il y en a comme ça des centaines et des centaines et des centaines, et elles ont toutes en commun qu'on n'a pas besoin du Coran et de la Sunna pour être guidé. Qu'on peut juste avoir un cheikh, et lui, le cheikh, il prend directement d'Allah, et en le suivant, on va arriver au paradis. Et c'est lui qui va nous guider. Pas besoin de retourner au Coran et à la Sunna. Parce que le cheikh, il prétend que le cheikh, il voit Allah directement. Ou bien qu'il voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son rêve. Ou même parmi eux, certains ont prétendu qu'ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil et qu'il vient les voir et qu'il leur raconte des choses. Il leur donne des nouvelles révélations, des nouveaux enseignements. Hein? À volonté comme ça. Ah oui, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu me parler, il m'a dit telle et telle affaire, ou telle et telle chose. Et il m'a dit, fais cette tariqa et appelle les gens à te suivre, et puis ils vont aller au paradis. Donc tout ça c'est du djihad. Et tu vois dans les pays où il y a ces voies-là qui sont propagées, plein de bid'a et plein d'égarements, et la vénération des tombes, et l'adoration des morts, et la célébration des innovations et des bid'a. Hein? Et parmi les groupes contemporains qui suivent ces tendances-là, on en retrouve chez les frères musulmans aussi. Parce qu'en réalité, il faut comprendre que les deux groupes contemporains les plus connus à notre époque, les Ikhwan al-Muslimoun et Jamaat Tablir, font partie des groupes qui ont été fondés par des soufis. Et ils suivent la voie de At-Tasawwuf. Et c'est pour ça que ces gens-là font la propagation de ces voies-là. Et ils disent aux gens qu'ils prétendent qu'ils sont en train de suivre le Coran et la Sunna, alors qu'ils contredisent le Coran et la Sunna. Et ils ne font pas la da'wah à la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la da'wah, mais ils font la da'wah à la façon des gens qui suivent la voie des soufis et du tasawwuf. Donc il faut faire bien attention à ces choses-là. En particulier, les tablirs qui suivent la voie des diobandiyas, hein, diobandiyas et la voie des maturidiyas. Hein? Et c'est un groupe qui est fondé en Inde par Mohamed Elias al-Kandahlawi. Et les frères musulmans sont fondés par Hassan al-Banna en 1928, Mohamed Elias en 1927. Et ces groupes-là, ces groupes, les deux faisaient partie des Turuq Soufiya. Hassan al-Banna fait partie des Al-Hisafiya, Shadiliya. Et Mohamed Elias al-Kandahlawi fait partie de la Tariqa Jistiya. Donc ce sont tous des Soufiya. Et ils sont tous sur les voies de bid'a et d'égarement. Donc il faut faire attention à ces voies-là, parce qu'eux ne vont pas vous dire ça. Ensuite vient ceux qui sont retournés à la voie des salafs, et qui retournent à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et l'exemple des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont ceux qui suivent la voie salafiyya, ou bien la voie de Ahlul Sunnati wal Jama'a. On peut les appeler Ahlul Hadith, On peut les appeler Athariya, ou on peut les appeler également Ahlul Hadith ou Ahlul Sunnah. Et ce sont ceux qui se sont éloignés de toutes les innovations, de toutes les formes de shirk, et qui reviennent aux enseignements de l'islam et des fondements des quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmad ibn Hanbal. Ces quatre imams, ils faisaient partie des gens d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Et leur aqidah, c'est la aqidah d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Ils n'étaient pas Asha'ira, ils n'étaient pas Maturidiyah, ils n'étaient pas des Soufis, ils n'étaient pas des Shi'is, ils n'étaient pas des Khawarij, ils n'étaient pas des Ikhwan al-Muslimin, ils n'étaient pas des Jama'at Tabligh. Ils suivaient la voie d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Ils suivaient le Coran et la Sunnah selon la compréhension des Salaf al-Salih. Et aujourd'hui, à notre époque, il y a des gens qui suivent la voie des Salaf. Et les gens qui suivent les soufis, ou qui suivent d'autres tendances, essaient d'éloigner les musulmans de ces gens-là et de faire peur aux musulmans en disant qu'ils suivent une secte alors qu'en réalité ils suivent le Coran et la Sunna. Et parmi les noms qu'on a donnés à ceux-là, ils les appellent des Wahhabiyyah, ou bien ils les appellent des Madkhaliyyah, ou bien ils les appellent des Jamiyyah. Ces noms-là, c'est les noms de trois grands savants, comme le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ou le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, ou le Cheikh Mohammed Aman al-Jami. Ces savants sont des savants qui ont suivi la même aqidah que l'imam Abu Hanifa, que l'imam Malik, que l'imam al-Shafi'i, que l'imam Ahmad, et que tous les autres imams d'Ahl al-Sunnah. Donc ils n'ont pas ramené une nouvelle voie ou une nouvelle secte. Ils n'ont fait que revivifier et renouveler la compréhension et la voie des salaf al-salih dans cette religion. Et c'est ça la religion des salaf. La religion de l'islam, c'est la religion des salafs. Tout ce que les salafs n'ont pas pratiqué, c'est-à-dire les sahaba. Quand on dit les salafs, ça veut dire les sahaba. Les élèves des sahaba et les élèves des élèves des sahaba. C'est cela qu'on dit quand on dit les salafs, ça veut dire les sahaba. Les élèves des sahaba et les élèves des élèves des sahaba. As-sahaba wa tabi'un wa tabi'u tabi'in. Ce sont eux les salafs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khayrun nasi qarni » ثم الذين يلونهم. C'est-à-dire la meilleure génération, c'est ma génération, puis celle qui l'a suivie, puis celle qui l'a suivie. Si vous vous accrochez à ce que ceux-là ont suivi, vous êtes bien guidés. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et si vous croyez en la même chose que ceux-là ont cru, alors vous êtes bien guidés. Et dans un autre verset, il dit, et quiconque fait scission avec le messager après que la vérité lui a été clarifiée et suit autre que la voie des croyants. La voie des croyants, c'est qui? C'est quoi? C'est la voie des sahaba. Si tu suis autre que la voie des sahaba, Allah te laisse te détourner tel que tu t'es détourné. Et il te brûlera en enfer. Et quelle mauvaise destination. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers croyants parmi les muhajirin et les ansar, les sahaba. والذين اتبعوهم بإحسان, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, de la meilleure façon. Allah est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits de lui. Et personne dans cette umma ne peut prétendre que Allah est satisfait de lui, autre que les sahaba. Et ceux qui les suivent comme il faut. Mais si tu ne suis pas les sahaba, tu ne fais pas partie de ceux que Allah est satisfait d'eux. Donc la satisfaction d'Allah est rattachée avec le fait de suivre le Coran et la Sunna et l'exemple des salaf al-salih, l'exemple des sahaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il a dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَ الرَّشِدِينَ. Suivez ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés. Et dans l'autre hadith, il dit مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَعْنَا عَلَيْهِ الْيَوْمُ وَأَصْحَابِي. Qui suivent exactement ce que je suis moi-même aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Si vous suivez l'islam, si vous suivez le Coran, si vous suivez la sunna, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les sahaba et les tabi'oun, et ceux qui les ont suivis avec science, pas juste comme ça, tu dis avec ta bouche, je suis salafi, et tu penses que ça suffit. Non. C'est après avoir étudié, après avoir appris, après avoir eu les preuves, que qu'est-ce que tu suis, c'est exactement l'exemple et la croyance des sahaba et des salaf. Parce que si tu fais que prétendre, et que tu te dis salafi, mais que tu contredis